je marchais seul dans la nuit, sous les néons et sous la pluie. J'avais un blues à en finir, dans cette ville triste à mourir. J'aurais bien vidé une bouteille sur un trottoir dans une ruelle, mais y'a vraiment quelque chose qui cloche, car je n'ai plus un sou en poche. Il était bien 2h du mat, je me suis dit faut pas que je le rate. De justesse j'ai pris le dernier bus, j'ai dormi jusqu'au terminus. Devant chez moi je sais pas pourquoi, la classe serrure ne marche pas. J'ai beau cogner mais rien n'y faire, je reste planté sur le palier. Changer la serrure de la porte. Oh my baby, que le diable l'emporte. Je ne sais pas où je vais dormir ce soir. J'ai plus d'amis et je suis dans le noir. Je suis reparti seul dans la nuit, sous les néons et sous la pluie. J'avais un blues à en finir, dans cette ville triste à mourir. Serrure de la porte. Oh my baby, que le diable l'emporte. Je ne sais pas où je vais dormir ce soir. J'ai plus d'amis et je suis dans le noir. Je suis reparti seul dans la nuit. J'avais un blues à en finir, dans cette ville. Dans cette ville, dans cette ville triste à mourir.